auditeurs de Radio Guémozo, tu es la bienvenue dans ce nouveau numéro de Micro Ouvert, aujourd'hui spécialement consacré à l'auteur Alain Cinto et à la sortie de son tout nouveau roman Les Purifiés. Nous passerons de confession en confession avec Alain aujourd'hui. Un vrai moment de bonheur. Alain, bonjour. Oui, bonjour Lia. Comment ça va? Ça va, comme tout le monde, en cette période de confinement un peu particulière. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. On va parler surtout de votre dernier roman, Les Purifiés. Oui, exactement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce roman? Bien sûr, donc c'est un livre que j'ai écrit en 4 mois. Donc c'est quand même un livre, c'est un livre assez imposant, beaucoup de documentation. C'est une fiction dans notre région, les Vosges, comme d'habitude, entre la nature, une vieille maison. En fin de compte, la vedette de ce livre, c'est une vieille demeure qui a 800 ans, qui a toujours abrité une famille qui s'appelle Durup, mais Durup avec particules. D'accord. Et donc, cette famille venait de Rhénanie. Et a fait les beaux jours, de la culture vosgienne. Mm-hmm. Parce qu'ils avaient, avant, j'ai trouvé vraiment l'origine, on avait beaucoup de mines d'argent. Ah. Et donc, ils se sont enrichis justement avec la veine argentifère, où ils ont construit cette belle demeure qui était, à la Renaissance, une des plus belles et des plus cultivées, où on recevait les ducs de Lorraine. Ah. Et donc, en fin de compte, c'est l'histoire de 3 frères adoptés. Et un jour, ils reçoivent un testament. Enfin, une lettre notariée d'un testament. Et donc, ils vont chez le notaire et ils héritent de cette maison, de ce grand domaine. Et donc, ils se posent la question pourquoi. Et en fin de compte, au fur et à mesure qu'on avance, ils visitent déjà la maison. Ils vont rencontrer quelqu'un qui a aidé à soigner la vieille dame qui vient de décéder, Abigail. D'accord. Et cette vieille dame très mystique s'est toujours enfermée dans cette maison. Elle avait une vérité à cacher. Vous savez que je sais faire parler les pierres, les murs, les impressions et même la nature. Donc, j'arrive à immerger mes lecteurs dans cette impression, pas du tout, de terreur, hein, franchement. Il y a de la joie. Voilà. Il y a un moment où tous les humains qui partent de la maison, il y a une vie encore après. Ah. C'est-à-dire que les horloges sonnent, les tapis s'époussettent, les commodes ouvrent leurs tiroirs. Enfin, c'est la fête entre eux parce que les meubles ont peur d'être vendus dans une salle des ventes. Ils ont peur d'être séparés. Ça fait 400 ans qu'ils sont là. D'accord. Voilà, on avance au fur et à mesure. Et ces 3 frères qui sont toujours entendus, adoptés par les mêmes parents adoptifs, commencent, après la lecture du testament, chez Maître... Bloche, pour pas dire notre notaire régional. Donc découvre en fin de compte, Abigail avait fait une lettre manuscrite et leur explique exactement pourquoi ils sont héritiers de cette demeure là. Ce qui va changer totalement leur vie. Oui. Et donc ils commencent au fur et à mesure à chercher, au fur et à mesure de l'avancée dans le livre, leur véritable origine. Mais en même temps, tout au début du livre, ce qui maintient aussi un suspense, il y a des jeunes filles qui disparaissent tout le temps dans cette région-là. Ah. Une minimum par an ou 2, ça se précipite. Et donc, vous avez différents lieux qui parlent et différents événements aussi qui avancent au fur et à mesure du livre. Donc, on vit l'enlèvement des jeunes filles, leur emprisonnement dans un endroit très particulier, par une personne qui est mentionnée dans le livre dès le début, mais que personne n'arrive à deviner. Jusqu'à la dernière page. Wow. Pour l'instant, tous les lecteurs que j'ai eus, puisque j'en ai eu 100 parce que je peux vendre en ce moment sur Facebook et non, comme on le sait, dans les librairies, les grandes surfaces, me disent, je crois que vous avez vu sur Facebook, c'est terrible parce qu'on avance dans le livre, on croit celui-là coupable, puis en fin de compte, on se dit non, ça doit être celui-là, non, ça peut être celui-là. Et en fin de compte, à la fin du livre, personne pour l'instant n'a trouvé le véritable coupable. Quoi. Que de suspense. C'est un peu de l'Agatha Christie archéologique et historique. C'est génial. Voilà. Alors ça mêle de vrais endroits, de vrais faits historiques encore. Non, ça amène l'ambiance vosgienne. Oui. Ça amène une légende que plus personne ne connaît. D'accord. Hein. Et c'est Durup, c'est un patronyme qui existe beaucoup dans notre région, mais je l'ai mis avec particules pour qu'il n'y ait pas de relation, que je dérange personne. C'est vraiment une fiction. D'accord. Et cette demeure n'existe pas vraiment. Ok. Je sais celle à laquelle j'imagine. Donc dans le livre, vous avez les photos de l'intérieur, de l'extérieur. Vous avez les photos de certains protagonistes. Mais elle est située, on ne peut pas, vous ne pouvez pas la trouver comme dans mes précédents livres. D'accord, ok. Voilà. D'où viennent les illustrations justement du livre ? Alors j'ai la chance, comme vous le savez, de pouvoir vaquer un peu en France, enfin du moins pas cette année à cause du confinement, mais je fréquente vraiment gracieusement, en plus c'est toujours des invitations. Donc, pas mal de monastères où je me suis fait des frères, monastiques qui m'invitent, qui me laissent parcourir leur bibliothèque, autant en Bretagne que même au Mont-Saint-Michel. Hein, j'ai un ami qui est guide, qui me fait visiter des endroits. Je suis monté presque jusqu'à l'Ange, quoi. C'est génial. Au dernier niveau, j'ai visité Notre-Dame sous terre que plus personne ne voit. Il y a une grande abbaye qui est très belle à côté, pas loin, la Lucerne d'Outre-mer, privée. Et pareil, donc là, il y a aussi le Mont-Saint-Odile qui rentre dans les pérégrinations de mes personnages. Quelques petits châteaux qui me permettent aussi de rester 2 jours et puis de trouver des secrets dans les bibliothèques, et puis de faire des photos d'intérieur un peu désuet, passéiste, usé. Je fais des photos, puis vous voyez sur Facebook, je commente aussi les endroits et les livres que je peux rencontrer. C'est vraiment magique. Hein. Oui, oui. Quand vous rencontrez un livre devant vous qui fait 1,50 m de haut, qui fait une épaisseur de 50 cm, oui. Vous êtes obligé de prendre vos deux bras pour tourner les pages. Oh. Et que ça craque, ça sent bon le vieux, l'encens. Vulgairement, c'est ma cam. C'est votre dada. Non, parce que dada, j'en ai un, vous le savez. C'est mon teke adoré, mon frison. Je vous ai donné un des livres. Et c'est justement Guérir par le cheval, parce que je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que tout le monde va. Le premier confinement, on l'a supporté. Hein. Mais le deuxième, même pour moi, qui me dit solitaire, il est très difficile. C'est vrai qu'il est particulier. Parce qu'en plus, on ne connaît pas le lendemain. Et puis, vous regardez les infos, on n'entend parler que ça. Et vous savez qu'avant, j'ai tenu 37 ans un restaurant. Je me mets à la place des restaurateurs. Et j'ai connu des épreuves terribles. Et je me dis, mais tous ces gens qui ne vont plus avoir d'activité à 50 ans, c'est très difficile de se reconstruire après. Oui, vraiment. Oui. C'est ce qui m'a amené à l'écriture. Bon, j'ai eu des gros problèmes de santé après. Et ma renaissance, c'est l'écriture. Oui. Voilà. Et Guérir par le cheval, c'était 3 AVC, aveugle. On m'a mis sur un cheval à 44 ans. Et jamais pratiqué l'équitation, guéri. Au grand dam de mes chirurgiens. Et du coup, j'ai consacré après un livre, c'est-à-dire mes impressions d'adulte et mes peurs, en pratiquant en novice l'équitation. Et puis, il y a des choses qui ne m'ont pas plu dans certains centres équestres ou de compétition. Et on m'a dit, de toute façon, vous n'avez même pas un galop, vous vous taisez ou vous quittez les lieux, quoi. Alors j'ai dit, j'ai pas mes galops. Donc pendant 2 ans et demi, tout en ayant mes restaurants, je partais à 7h du matin. J'ai passé avec un prof privé mes 7 galops. Ah oui. 7 galops de dressage. Je les ai. J'ai jamais fait une compétition parce que je n'aime pas ça, d'être supérieur à quelqu'un ou être inférieur à quelqu'un. Mais par contre, j'ai rencontré des chevaux. Mais des chevaux, je ne peux plus m'en passer, quoi. L'odeur du cheval. quand on rentre chez soi, j'ai même du mal à retirer mes vêtements. Yeah, oui. Et puis, c'est vrai que j'ai la chance... Bon, j'ai sauvé beaucoup de chevaux grâce aux royalties de ce livre-là que j'ai placé. Et j'ai même aidé des enfants autistes avec un professeur. Oui. Ça a été... Vraiment, ma vie est magnifique. J'ai eu des expériences superbes. Et ce livre, tout ça pour dire, en fin de compte, si je n'avais pas fait ces AVC devenus aveugles, guéris, je ne serais pas devenu écrivain thriller. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai mis à la fin une petite nouvelle avec un cheval où j'arrive au prieuré des rivales. Et là, il y a un monde parallèle qui se mélange. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, mais c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce que vous avez vécu là-bas? Et j'ai quelqu'un, écrivain, qui m'a dit, mais tu devrais écrire, essaye, écris un thriller. Et c'est mon premier thriller, L'Abbaye sans âme, tome 1, et qui a remporté plus de succès que je ne croyais. J'ai écrit La Baisse du Diable après, donc qui a plu à énormément de monde. Mm-hmm. Et j'ai écrit de nouveau l'intégrale de L'Abbaye sans âme 2. D'accord. Mais ce livre-là est destiné normalement, mais toujours à cause du Covid, à faire une série télévisée dans notre région. Ah. Voilà, donc il y a un intéressement pour l'instant. Quelle vie incroyable. Et Purifié, ça part normalement aussi hein, pour faire une série TV. Mais rien ne se signe, tout est bloqué. Quoi. Oui. Ouais. Mais voilà. Un petit peu de patience, du coup. Ça oui, va. Ben, voilà, c'est sûr. Mais avant d'écrire, du coup, cette première nouvelle, jamais à un moment donné, vous aviez eu envie d'écrire, vous étiez laissé porter par votre imagination en vous racontant des histoires, c'est vraiment venu comme ça? Non, non, non, j'ai toujours été un rêveur, hein. Introverti, qui ne parle pas aux autres, mais gentil, hein. Mais c'est vrai, Alain, voilà, Alain, Alain Sainteau, quand je revois mes anciens profs, vous êtes celui qui était toujours dans ses rêves. Ah oui. Voilà. Oui. Bah écoutez, écrire, j'ai toujours été, je culpabilisais parce que j'ai quitté. Mon père était militaire de carrière et j'ai refusé le statut de militaire. Oui. Donc, en tant qu'aîné de la famille, c'était pas bien chez nous. Ah. Il fallait que je sois militaire. Donc, il m'a mis tout de suite à travailler à 13 ans dans un restaurant. Ah oui. Voilà. Et après, j'ai fait l'école hôtelière et je suis devenu maître d'hôtel, chef barman, maître d'apprentissage. Et je me suis mis à mon compte à 29 ans. Ah oui. Et après, j'ai tenu mes restaurants pendant presque 30 ans, qui marchaient très bien. Mais voilà, la politique de Nancy à mettre le tram partout, ça m'a bien impacté. Et ça m'a déclaré trois petites choses très désagréables où j'ai dû me faire opérer et j'ai cru que je m'en sortirais pas. Et là, à partir de là, moi, il faut que je sois productif, même dans mon lit. Il faut que j'apprenne quelque chose. Mmh. Et dans mon lit, avec mes poternes et tout ça, mes infirmières qui viennent voir le matin, j'ai décidé d'écrire pour m'amuser. Et c'est comme ça que j'ai sorti L'Abbaye sans âme, tome 1. Pour m'amuser en dilettante, quoi, totalement. Oui. Puis je ne pensais pas que rencontre. J'en avais sorti 500 et voilà, il a fallu refaire. Après le tome 2, j'étais dedans. Et j'ai... De toute façon, au fur et à mesure de mes livres, on voit que j'évolue et j'acquiers un style beaucoup plus. Le style qu'on n'a pas envie de quitter. Vous voyez sur mes likes, page Facebook, ce qu'on dit, quoi. Alors, j'ai énormément de reproches de mes lecteurs et j'en suis vraiment désolé, quoi. Je ne peux pas faire moins parce que, voilà, beaucoup de dames loupent leur meringue, notamment, parce qu'elles sont prises dans le livre. Des compagnons qui font la tête à leur... compagne, parce que dès qu'ils voient un livre rentrer chez eux, et ben voilà, il faut attendre 2-3 jours. Enfin voilà, c'est super, c'est les meilleurs compliments qu'on c'est puisse vrai. Avoir. Et ben voilà, je suis quelqu'un qui n'a pas de famille, qui a perdu vraiment tous les membres de sa famille. Et là, en ce moment, je vois en 3 ans, ça fait 3 ans que j'ai commencé à écrire vraiment. Oui. Et là, j'ai une famille. Je vous assure, j'ai une famille de lecteurs sur ma page Facebook. Parce que vous savez que je n'ai pas d'ordinateur, j'écris à la main. Oui. Donc Facebook, c'est une tablette qui commence à être obsolète. Elle est longue, elle se traîne. Et j'arrive à 3000 amis. Et sur Messenger, j'ai vraiment des tas. Je réponds à 100, 150 messages par jour, individuellement. C'est incroyable. Ah oui, je les connais tous par leur nom. Alors là, ce qui me manque énormément, oui. mais je suis oui. en souffrance, c'est des dédicaces et de ne pas les rencontrer. C'est vrai. Là, vraiment, j'en peux plus. Et je ne pensais pas que ça m'impacterait à ce point-là. C'est vrai, c'est à travers cette expérience que vous vous rendez compte qu'en fin de compte, le contact avec votre public est important. Oui, franchement, après 40 ans de restauration, je me suis dit, je veux vivre tout seul, en solitaire, en pleine campagne. Et là, j'ai une bonne leçon de vie. C'est vrai. J'ai une bonne leçon de vie. Oui, j'adore la solitude. Mais oui, je prends énormément de plaisir. Et c'est le problème aussi, voilà, quand je suis dans une librairie, une grande surface, un salon littéraire, vous m'avez déjà vu. C'est que, voilà, il faut que les gens aient de la patience devant mon stand parce que je parle beaucoup, on échange beaucoup. Mmh. Et ces gens-là, dans ma boîte aux lettres, vous voyez ce que j'ai autour du cou, bah, c'est une lectrice, je ne l'ai jamais rencontrée. Oui. C'est une lectrice qui me l'a offerte dans ma boîte aux lettres. Voilà. C'est chouette. Et c'est ma famille, franchement. Je connais la mort de leur chat, leurs difficultés, comment ils vivent. Il y a des gens qui ont très peu les moyens qui achètent mes livres. Donc, je me dois d'être à la hauteur. Et quand on me dit « j'ai passé la nuit blanche parce que je voulais le savourer comme une boîte de chocolat, mais j'ai tout mangé d'un coup ». Donc, voilà, c'est génial. Mais c'est votre famille, mais peut-être que aussi vous faites, pour eux aussi, vous faites partie de leur famille, ah, c'est sûrement ça. C'est un grand honneur pour moi. Oui, je pense que voilà, ouais. C'est très agréable de discuter avec vous en plus, donc ça ne m'étonne pas. C'est très émouvant de vivre cette aventure. Vous savez, à 60 ans, naturellement, origine simple, je n'ai pas fait d'études, hein, je n'ai pas fait fac de lettres et tout ça, j'ai beaucoup lu. Et puis de me dire, mais écoute, il y a quand même 2000, 2500 personnes qui te lisent et qui attendent ton prochain livre. Je me dis, mais voilà, je vis de mes livres actuellement, petitement, hein, franchement. Je viens de créer ma maison d'édition que pour moi. J'ai une grande maison un peu désuète, mais j'ai créé mon local en bas où j'ai des gens qui sont venus me demander mes livres et dédicacer malgré le confinement. Avec masque et tout ça. Ah oui. Et c'est fou. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer, vous comptez pour des gens, quoi. Oui. Dans un monde tellement aussi cruel, individuel, j'apporte du plaisir et on m'attend encore en plus. C'est vrai. Donc c'est vraiment un miracle. C'est encore un miracle dans ma vie. Je peux pas raconter ma vie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'une corneille et sa voix qui zézeille susurre à mon oreille les plus sales conseils déguisés en merveille. Un petit diable veille au fond de ma bouteille, me fait impératrice et me donne un royaume de sentiments factices, d'ivresse polychrome. Et pour guider mes pas, j'ai de nobles amis, Lady Margarita et Miss Bloody Mary. Et quand mes courtisans me promettent le ciel, je les crois vraiment quand ils disent que je suis belle. Mais ce ne sont que des ombres et mon royaume sombre dans un méchant sommeil au fond de ma bouteille. À mon oreille, les plus sales conseils déguisés en merveille. Un petit diable veille au fond de ma bouteille. Il me fait oublier qui je suis et pourquoi je me donne à aimer le bourreau et la croix. Je ne connais que trop le nom des assassins, Seigneur de Curaçao et Monsieur Marasquin. Mais le miroir se brise et je vois sans surprise une petite vieille au fond de ma bouteille. Diable goguenard, un Satan dérisoire qui enfonce au hasard les clous du désespoir. Un petit diable veille au fond de ma bouteille. Au diable ce bavard et ses belles histoires. Au diable ses merveilles et ses mauvais conseils. Si j'allais croire ce que ce diable noir susurre à mon oreille de sa voix qui que c'était un véritable miracle pour vous voilà, d'en être arrivé là. En plus, c'est incroyable, sans études littéraires. Non, voilà. Ça, ouais. C'est incroyable. Je n'ai pas encore présenté mes livres à une édition, une maison d'édition nationale. Voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent « Tu devrais le faire, tu devrais être édité pour être connu un peu partout. » Parce que là, bon, avec ma page Facebook, ben, vous l'avez vu, j'ai créé un petit site, enfin j'ai pas créé, un ami bénévole me l'a... C'est chouette. Parce que j'ai pas les moyens de créer un site internet pour l'instant. C'est mon ambiance, un peu mystique, monastique, mais vous voyez tous mes livres et j'ai des commandes, j'offre les frais de port gratuitement. Et oui. Des petits cadeaux dedans et puis une belle grande dédicace. Et les gens l'ont directement chez eux, donc dans leur boîte aux lettres. C'est une liberté pour vous d'être en auto-édition ? Oui, mais en même temps, voilà, je n'ai pas des gros moyens. Et c'est une liberté, mais elle n'est pas encore assez lucrative pour que je puisse vivre sans avoir peur du lendemain. D'accord. Vous voyez ? Oui. Parce que là, ce qui arrive en ce moment, c'est que mon livre sort. Et voilà, Vosgien, Vosgienne... Mon livre est enfin sorti dans les meilleures librairies fermées. Ah oui. Et les grandes surfaces interdites de vente. Donc, c'est vrai. Voilà quoi. Donc on le trouve éventuellement dans les maisons de presse et bureaux de tabac. Ah oui. Voilà, c'est tout. Sinon, ça ne coûte rien. Moi, c'est moi qui prends les frais de port à ma charge. Ce n'est pas plus qu'une commission de magasin. Hein, d'accord. Voilà. Okay. Donc on peut vous contacter directement sur Alain Saintot, page Facebook, branche sur Messenger, et puis voilà, j'ai un virement qui peut se faire ou un chèque, et puis voilà, ça m'a sauvé ce mois-ci. Ouais. Bah tant mieux, tant mieux. La couverture est vraiment incroyable. Qui a pris cette photo ? Eh bien, en fin de compte, c'est des bandes de photos qui offrent éventuellement. C'est donc, il faut demander une autorisation, oui. Mais c'est beaucoup, beaucoup de visionnage pour trouver la bonne. Et c'était pas la première que j'avais choisie. Ah oui. Et la quatrième page de couverture avec la fameuse amanite phalloïde, je la trouve géniale. Et c'était pas du tout... peut-être 2 jours avant de le mettre en impression, j'ai changé, j'ai dit on va mettre comme ça. Ah oui. Et c'est vrai que le livre appelle vraiment le regard. C'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est très très beau. Et puis normalement, les purifier, c'est venu vraiment à la fin parce que je préviens, je montre comment j'écris sur ma page Facebook. Et normalement, c'était à l'ombre de l'ange. Ah. Donc, il y a un ange de pierre qui est aussi une vedette dans le livre. Mais en fin de compte, c'est les purifier parce que vous comprendrez quand vous lirez. Voilà, tout à fait. On va garder le suspense. Mais c'est vrai qu'on déambule partout à Remiremont. Il y a un dialogue qui se fait et j'ai prévenu le bureau de tabac, la maison de presse à Oval d'Ajol, place du Sceau. Et là, il y a aussi une conversation qui se fait dans le livre pendant le réveillon de Noël. Le lac du Vilrain est principalement cité, où on découvre pas mal de choses. Non, on vit totalement dans mes livres. Voilà, tout le monde peut s'y retrouver. C'est un peu comme le Grand Maulne. Parce que, voilà, là, on a fêté le 11 novembre. Et moi, à 8 ans, j'ai lu le Grand Maulne d'Alain Fournier. Oui. Ça a fait l'homme que je suis. Voilà. Donc, c'est une propriété qui disparaît pour ceux qui veulent la trouver et qui apparaît pour ceux qui ne la cherchent pas. Oh. Voilà. D'accord. Comme le Grand Maulne. Okay. Et cet homme-là, c'est un hommage que j'ai pour lui parce que j'ai adoré ce livre, son seul et unique livre. Il est mort à 24 ans à la guerre. Il est mort sur le chemin des dames. C'était vraiment un beau jeune homme en uniforme. Et on a découvert son corps que 80 ans après. Oui. Oui, avec ses hommes enterrés par un obus, il y a 20 ans. 20 D'accord. Ans, on a pu mettre un nom sur un cadavre parce qu'il avait son matricule. Et Alain Fournier, qui a écrit Grand Maulne, a été découvert seulement il y a 20 ans, en l'an 2000, enterré par un obus. Incroyable. Voilà. Que de savoir chez un seul homme. C'est vrai, on apprend toujours plein de choses avec vous, c'est incroyable. Ouais, c'est ça qui est... Mais là, je trouve qu'on est dans les commémorations générales de Gaulle. Alors, j'ai un père qui était militaire, frère, oncle. Voilà, nous, on est vraiment une famille de militaires. Donc, je suis devenu, à ma naissance, anti-militariste. Voilà. J'ai rien contre les militaires, mais voilà, le fait de guerre et tout ça. Et mon père était vraiment gaulliste. Hein. Il y avait voilà, on a été visiter Colombey-les-Belles et tout ça. Colombey-les-Deux-Églises, excusez-moi. Et je ne comprenais pas cette passion. Et en fin de compte, là, avec les deux, TF1 a diffusé une belle série magnifique. Et j'aime bien comprendre, moi, les dessous de l'histoire. Et le rôle qu'a joué sa femme, la condamnation à mort de Pétain sur De Gaulle, et ce qu'on est... Grâce à De Gaulle, je suis content de savoir ça. Oui, c'est sûr, c'est important. Ouais. Alors, pour les purifier, vous disiez 4 mois d'écriture faits à la main. Oui, 2400 pages en format A4. Waouh. J'ai usé 7 cartouches d'encre. Ah oui. D'encre de... De stylo. De stylo à plume. Parce que j'adore entendre le stylo griffer la page. Ouais. C'est incroyable. Et puis, j'avais perdu mes deux chiens, donc j'étais vraiment tout seul. Donc, oui. J'avais pas... Et puis, tout le monde, c'était terrible, le premier confinement. Tout le monde mourait partout. J'ai perdu une amie hôtesse de l'air à Bergame. Et voilà, je voulais plus voir le monde, hein, franchement. Oui. Il y avait ce qu'il fallait dans le congèle. Voilà, j'ai choisi d'écrire. Là, je ne peux pas, je le ferai bien parce que j'ai les Servantes du Saint-Mont à faire paraître dans quelques mois. J'ai toutes les archives, mais je n'ai pas encore... Si, j'ai commencé l'écriture sur 100 pages. Ouais, oui. C'est vrai. Mais je suis obligé de faire la distribution moi-même parce que je suis une micro-entreprise. Donc, je fais tout moi-même. Oui. Je fais la page, je choisis les photos, je fais l'écriture. Après, j'ai un ami, Philippe Ballan, qui est donc en dessous de chez moi, comme je vous ai expliqué. Oui. Et donc, je lui pose à 8 heures du matin les 20 ou 30 pages que j'ai écrites dans la nuit. Il sait déchiffrer mes hiéroglyphes et il me les donne vers midi en tapuscrit. Ah oui. Où je recorrige pour savoir s'il a bien compris et tout ça. Oui. Puis éventuellement les formulations. Et après, ça passe chez une amie au-dessus, à Ruau, Sylvette, qui fait les corrections, gracieusement. Et voilà, j'ai beaucoup de gens qui m'aident gracieusement, sinon je n'aurais pas les moyens quoi, encore de vivre de ça. Vous êtes bien entouré. J'autofinance. Oui. Donc j'ai vendu des choses qui m'étaient précieuses pour autofinancer mes livres. Ah oui. Mais moi, quand j'avais mes restaurants en équitation, j'ai toujours été indépendant. J'ai jamais voulu. La plus belle richesse qu'on puisse avoir naturellement, c'est la santé que j'avais perdue et la liberté que j'ai toujours eue. La liberté. Voilà. Et je me donne les moyens d'être libre, même s'il faut manger des pâtes, et j'adore ça, tous les jours. Voilà. Heureusement, tant mieux. Mais vous êtes bien entouré, en tout cas. Voilà, oui, franchement. Puis j'habite Plombières, et Plombières-les-Bains, c'est une ville désuète qui devrait remonter. Mais tous les gens m'aiment à Plombières. Non, mais c'est vrai, c'est très bizarre. J'étais à Nancy, dans mon quartier. Voilà. Je ne travaillais pas comme les autres restaurateurs, donc on m'avait mis de côté. Ah oui. Ça a toujours été comme ça. On m'a toujours mis de côté parce que je ne veux pas rentrer dans un moule. Je serai toujours... Vous avez bien raison. Jusque dans ma tombe. J'ai choisi ma tombe pour être à l'écart des autres. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et la mort ne me fait pas peur parce que j'ai plein d'amis qui sont de l'autre côté, des quatre pattes aussi. Oui. J'en parle avec sérénité, quoi. Oui. Et votre... Mais j'ai repris un chien. Voilà. Est-ce qu'il vous a aidé? Ouais. Il vous a aidé pendant ce moment d'écriture? Ben non, il est arrivé il y a 2 mois. Ah, il est arrivé après. Mais je pense que j'allais vers une dépression parce que je suis quelqu'un qui peut pas prendre un être humain dans les bras. Ah oui. Non, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Mais par contre, mon cheval, vous voyez mon cheval, noir, énorme, et même mon amie qui l'héberge, elle me dit, mais c'est incroyable la relation que tu as avec ton cheval. Et oui. Il me suit derrière. Il pourrait m'écraser, il fait une tonne. Hein. Oh. Il fait peur à tout le monde. Mais je le monte, c'est une osmose. C'est une osmose. J'ai juste à poser un pied, j'ai juste... Je l'ai appris à danser sur Mozart. Oh, c'est chouette, ça. À faire un reculé, à faire une levade, à faire... Mais alors, jamais dans la soumission. Oui. Jamais, jamais. Et les gens... Et c'est ça que je reproche à notre monde. C'est qu'on veut nous soumettre tout le temps à quelque chose. Et moi, je permets tout. Mais surtout pas de soumettre les gens. Oui. La liberté, c'est la plus grande des richesses après la santé. Ça, c'est vrai. Je préfère vivre parce que j'ai la chance d'avoir un vieux... On est dans les confessions, là. Hein. Mais j'ai un vieux... J'ai la chance d'avoir pu installer un vieux, comment dire... mobil-home. Voilà. Et on a pu l'installer. Ça a été vraiment... une expérience impressionnante parce qu'il y a une grande grue qui est venue le mettre au milieu des arbres où se trouvent les chevaux. D'accord. Et là, j'ai tout rasé dans le mobile home et j'ai mis plein de livres, un canapé et un bureau. Et là, quand il fait beau, tout ça, je vais écrire là-bas. J'allais écrire avec mes chiens et mes chevaux. Enfin, je dis mes chevaux, mais c'est pas à moi. Oui. Mais j'ouvrais les box et les chevaux sont autour de moi. Oh, c'est voilà. Beau. Sur ma page Facebook, on voit... Teke, donc mon cheval noir, je ne sais pas, vous l'avez vu, en train oui. de regarder ce que j'écris. Oui, oui, oui, hein. C'est rigolo. Et c'est magique. Je regarde autour de moi, mais je me dis, mais je n'ai pas envie d'aller aux Maldives ou de m'acheter une maison à 30 millions de... comme on voit dans des émissions. Mais c'est tellement beau. Les Vosges, c'est tellement ah beau. Ah oui, ça c'est presque vrai. L'Écosse. Regardez nos brumes le matin quand je descends de Plombières. Il faut descendre une nappe de brouillard, passer à travers pour voir enfin de nouveau Remiremont. C'est magique. Oui, c'est vrai que c'est incroyable. Tous les jours maintenant, donc du coup, comme j'ai Rubens, hein, qui a maintenant 5 mois, c'est un lévrier, il faut qu'il court 2 heures. Donc moi, je cours moins. Mais j'ai le plaisir de le voir courir et je vais souvent l'étendre la demoiselle. Ouais. Et c'est magique, on est dans un lieu, mais les Vosges, c'est magnifique. Venez dans les Vosges. C'est vrai. Et en plus, nos Vosgiens, ils sont tous sympas, quoi. Je vends mes livres dans des maisons comme Gourmandard, vous savez, des maisons de produits du terroir, avec les fromages, les saucissons. Et il y a une dame à Frédrup, là, la montagne, la belle-sœur, justement, de lire et écrire. D'accord. Voilà. Et elle va mettre mes livres dans les paniers gourmands. Oh, c'est chouette. Ouais, pour tous les touristes qui viennent dans la région. Quoi. Super. Ce qui fait que j'ai des lecteurs dans la France entière maintenant. Ça, c'est bien. Ouais. C'est bien. Génial. Donc, voilà, j'arrive. Bon, bah, c'est sûr que je ne fais pas 100 000 exemplaires. Oui. Mais c'est vrai qu'un jour, si je dois vivre encore un miracle, j'aimerais bien voir mon nom en tête de gondole avec 100 000 exemplaires. Mais ce n'est pas le but principal, parce que ce que je vis, c'est magique. Quoi. C'est vraiment magique. Mais tout est possible, je pense. Je ne veux pas décevoir, franchement. Oh non. C'est pour eux que je vis. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. brille pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endorme, réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le restant des jours. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré tout. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur. Que tes promesses en veux-tu. Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonne. Si je m'endorme, réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le restant des jours. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Si je m'endorme, réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le restant est vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endorme, réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le restant est vous. Il fut un temps où j'étais. Mais je pense que c'est possible que vous soyez édité. Hein. Moi, je pense que c'est fortement possible. Oui, ben, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore osé. J'ai peur de. Mais bon, j'ai rencontré Bernard Weber plusieurs fois à Fantastica, où oui. On s'est vu pour la première fois. J'ai rencontré Maxime Chatham aussi. Mm-hmm. Et ils m'ont dit tu vas encore évoluer dans ton écriture. Parce que j'avais une écriture un peu prose 19e siècle avec des grandes phrases à la George Sand. Donc j'ai une amie qui est prof quand même de littérature qui m'a dit voilà, le problème c'est que les gens risquent de s'ennuyer. Donc maintenant j'ai lu beaucoup. Il faut lire beaucoup pour écrire un oui, peu, oui. Hein, de toute façon. Hein. Et voilà, en plus, ce qui est très bizarre, c'est que j'évolue et ce qui me plaisait avant ne me plaît plus. Et là, j'ai lu Minier, mm-hmm. La Vallée. Mm-hmm. Et j'ai absorbé son style. Ouais. D'accord. Et j'ai eu peur au début parce que la quatrième page de couverture disait un secret dans une abbaye et la couverture était un paysage presque vosgien. Je me suis dit, il n'a pas pris mon livre quand même. Prétentieux comme je suis. Et non, c'était dommage. Et j'ai fait comme les autres, j'ai loupé mes meringues. Tellement j'étais absorbé. Ah oui. Ouais. Oui. Parce que 3 ans d'écriture, c'est jeune encore, on peut dire. Bah, oui, il paraît. Ouais, ouais. Mais je prends tellement mon plaisir, mon pied. Non, c'est magique, c'est magique. Puis ça ne fait qu'augmenter. Là. Je passe à 3000 personnes qui me visionnent dans Et mon oui. quotidien. Donc voilà, je me partage mon chien, je partage mon cheval. Je suis pas riche, parce qu'il y a des gens qui se méprennent là-dessus. Hein. Ah avoir oui. un cheval, non, c'est des privations. Hein. Mon cheval, il faut qu'il soit ferré tous les 2 mois. Ça coûte 90 euros. Ah vous oui. vous rendez compte oui. Eh ben, moi, je vais chez les plus petites les plus petites marques de grande surface pour m'acheter mes baskets à 15 euros. Ah oui. Vous voyez, c'est un sacrifice. Oui, hein. Je ne pars pas en vacances pour pouvoir profiter de mon cheval tous les ans. Mais la thérapie par le cheval, c'est très, très, très bien, franchement. Oui, oui. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des enfants qui avaient un cancer, deux enfants autistes qui sont sortis du mutisme grâce à mon livre. Oui. J'étais invité dans la classe. Il y en a un qui est gardien de musée et l'autre qui est informaticien. Wow. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Incroyable. Donc c'est ça qui m'a fait être écrivain. Mais j'ai jamais eu la prétention d'être écrivain. Et encore, Gilles Laporte me dit, on n'est pas des écrivains, c'est trop pompeux. On n'est que des auteurs. Donc voilà. C'est bien auteur aussi. C'est bien auteur. Être un auteur vosgien qui commence vraiment à être connu, moi, je suis fier. Ah bah oui, vous pouvez. Vous je pouvez. Suis fier de ma région, quoi. Parce que normalement, je suis vosgien. Non, je suis lorrain depuis 800 ans, hein, puisque ma famille a construit un village dans la plaine des Vosges par ma mère, les Champounis. Mais non, je suis tombé amoureux il y a 7 ans de Plombières-les-Bains. Et puis j'avais un premier... je venais de perdre mon cheval. J'ai écrit ce livre-là en pleine forêt vosgienne. Je ne pouvais pas l'écrire. J'ai fait dictaphone 17 cassettes avec mes chiens. Et oui. En pleine forêt pour éviter une thérapie. J'ai rejoint mon restaurant et c'est comme ça que j'ai vendu 2000 exemplaires déjà il y a 10 ans, qui m'a permis de sauver 10 chevaux. Et oui. Que j'ai rééduqués par un instinct. Et voilà, j'ai pas peur du plus fou des chevaux, parce que j'arrive toujours à le maîtriser, toujours. Eh et mon chien, voilà, je disais, j'ai eu peur, hein, j'avais perdu mes deux chiens, mais c'était mes ombres, hein, j'avais rien à dire, rien à faire, hein. Et Diva et Wally, et puis voilà, je suis tombé amoureux, je fais partie d'un club de lévriers. Donc il y avait la possibilité de sauver soit des lévriers d'Espagne, mais j'avais pas la force. J'avais vraiment envie d'une pâte à modeler. Et donc, je suis tombé sur le physique d'un petit chien, d'un petit chiot avec des yeux. Mmh. Coquin. Mais je me suis dit, celui-là, il est pour moi. Parce que j'aime pas le neutre. Hein. J'aime bien les difficultés. Comme mon cheval. Hein. J'ai choisi leader. C'était un cheval. On m'a dit, mais veto et moniteur. Ils m'ont dit, non, tu prends pas ce cheval. Ah ben, c'est bien. Donc, je le prends. Voilà. Et j'ai Ruben, voilà, les gens qui ont des animaux, ils comprendront, et c'est une renaissance, oh, c'est vraiment un bonheur. Là, je vais le sortir, à l'étang de la demoiselle, mais il est fou, il est fou. Mmh. Il se fait des challenges à 5 mois, il court comme un dingue, et avant, je faisais un tour, mais pour maintenant... le canaliser, je fais 2 tours de l'étang de la demoiselle. Donc wow. Là, en 2 mois, il a pris 11 kilos et moi, j'en ai perdu 11 aussi. Waouh. Ah ouais. Oui. Ouais. Bon. Parce que le problème, quand vous écrivez, vous mangez n'importe quoi. Ah oui. Et vous prenez des kilos. Puis bon, moi, j'ai la malchance d'avoir aussi quelques piqûres de morphine qui me font grossir. Mmh. Et là, je me ressens à 61 ans bientôt, jeune, et c'est la thérapie. Alors, j'ai un nom. Parce que je vais écrire un bouquin pour l'amour des animaux qui vont nous aider dans nos cancers, dans nos dépressions. Et j'ai un nom, mais j'ose pas le dire, mais est-ce que je peux ? Ah ben bien sûr ! Alors c'est la thérapie à poils et à quatre pattes. Oh, c'est génial ! C'est bien, je le garde. Ah, il faut le garder ça. C'est super. Voilà, donc c'est une petite nouvelle que je vais écrire sûrement. Et puis les servantes du Saint-Mont pour le printemps, puisque j'y suis allé là avec Ruben. Ah. Et il a senti l'endroit, les servantes du Saint-Mont, donc c'est le Saint-Mont. Et montez-y, franchement, vous allez ressentir des choses impressionnantes. Quoi. Des voix, 70 sarcophages du 6e siècle. Hein. Ah oui, quand même. Donc moi, j'ai demandé l'autorisation, entre guillemets, de parler des servantes du Saint-Mont dans une fiction qui amène les Vosgiens à vouloir connaître cette montagne qui est quand même difficile hein, puisque il faut y aller à pied et tout ça, mais c'est un panorama impressionnant. Oui. Donc ces sarcophages de femmes, de 70 femmes, Toutes les fouilles sont arrêtées. Donc, normalement, on devait fêter les 1400 ans du Saint-Mont cette année. À cause du Covid, tout a été reporté. J'espère pour l'année qui arrive, là. Oui. Et on m'a permis, donc, d'écrire une fiction. Parce qu'on a un très bon livre publié par la Société d'Histoire de Remiremont, qui est vraiment précis, avec l'archéologue et autres, vraiment. Moi, je ne suis pas un historien. Je me nourris des historiens et de l'histoire de notre région. Je crée des fictions. Et par ces fictions, j'arrive à amener les gens à connaître et à vouloir connaître davantage notre région. L'abbaye sans âme, combien de gens sont allés au priori ben de oui. Rival ben oui. Hein, grâce à moi, entre guillemets, voilà, ils ne connaissaient pas. Oui. Quoi. Et pareil pour l'histoire de l'abbesse du diable, c'était, comment dire... J'ai appris vraiment comment on vivait dans l'abbesse du diable au sein des sœurs nobles de notre région. Oui. Et j'ai créé, je ne sais pas si vous vous rappelez, deux textes. Un dans l'histoire, avec la chanoinesse, trop en avance sur son temps. Et l'autre, on a sa descendante qui réactualisait les écrits de cette femme oui. Trop savante et avec un destin méchant. Pour les femmes de pouvoir qui maintenant sont des homéopathes, des guérisseuses, des hypnotiseuses, voilà. Et les servantes du Saint-Monde, donc j'ai décidé d'écrire ce qu'on ne connaît, on ne connaît rien. Donc j'ai décidé d'écrire bien avant le VIe siècle. D'accord. Pour moi, c'est une montagne féminine. J'ai ressenti ça tout de suite, féminine. C'est une montagne de fertilité. C'est une montagne où les femmes qui ont des difficultés trouveront l'apaisement jusque peut-être la maternité. Oui. Il y a des ondes. J'ai appris. Bon, là, il y a Archimède qui va rentrer dedans. J'ai découvert une machine, le premier ordinateur qui a été construit par Archimède. Oui. Ordinateur mécanique qui je l'invente ici, chez nous. Mais il y a une visite encore au Vatican, parce que c'est Meg qui revient. Oui. Meg, archéologue, qui revient suite à la demande du pape pour savoir ce qui se passe au Saint-Mont. Parce que suite à quelque chose, il y a une vie qui va apparaître. Et donc, le pont des fées, j'amène ma version. Et ça va être une montagne d'où la solution à nos maux actuels pourrait être une des solutions de paix, de sérénité. Parce que c'est une montagne féminine. D'accord. Je pense que si la Terre était dirigée que par des femmes, je ne sais pas si vous sentez pas que les femmes, elles arrivent là ? Ah si, quand même. Hein. Les derniers votes dans nos mairies... Nous, on a une mairesse maintenant, le Val d'Ajol aussi. Là, les États-Unis vont avoir une vice-présidente. Voilà, j'invente les dames blanches. et puis, naturellement, une entité qui est contre. Voilà, donc une bataille. Et oui, la dualité. Entre le bien et le mal. Et vous savez qu'on dit que la montagne blanche de notre région, c'était le Saint-Mont. Hein les Celtes et tout priaient les dieux de la nature au Saint-Mont. Et il y avait une montagne noire, donc le yin et le yang, le noir et le blanc, c'est le Parmont. D'accord. C'est la montagne noire. Voilà. Et c'est bien. La montagne des maléfices. Bon. Voilà. Bah ça sera un autre sujet. C'est quand même, regardez, un fort, c'est les hommes, c'est la guerre. C'est vrai, le Parmont. Voilà. C'est vrai. Mais en même temps, c'est une très belle construction où j'ai naturellement loupé une dédicace, hein, puisque à Pâques. C'est vrai, oui. J'adore cette dédicace au Parmont, où ils font leur pain dans le vieux four des officiers. Et puis, on a tous les Vosgiens qui viennent nous voir. C'est des journées magnifiques. Oui, pourvu que ça revienne. J'espère. La dernière dédicace que j'ai faite, c'est Fantastica. Ça remonte un petit peu, février. Oui. Ouais, c'est tout. Alors, c'est sûr que les temps sont très difficiles, quoi, oui. Financièrement. Oui. Alors, j'essaye donc de m'isoler et puis de créer mes fictions. Puis, je me dis, elles serviront après. Quoi. Mais ça marche très bien. Et puis, vous apportez du bonheur aux gens. Hein, en cette période, ben, ça leur fait du bien, je pense, aussi. Et ça, c'est chouette. Ouais. Et il faut vraiment s'entraider. Oui. Il faut vraiment s'entraider. Ouais. Et il faut aider les animaux aussi, les quatre pattes. parce qu'eux, ils nous aideront aussi. Puis la nature, vous savez, vous n'allez pas bien, allez dans la nature. Allez une heure, une fois dans la nature, dans la forêt. Ça sent bon. En ce moment, c'est acide, il y a une odeur acide, d'humus, de champignons. C'est agréable. Puis, alors, un coup de soleil là-dessus, c'est génial, quoi. C'est vrai. Ruben pourrait vous en parler. il rentre, il est fatigué, il dort dans mes bras. J'ai hâte de le rencontrer, ce Ruben. Il a l'air sympathique. Bah, j'ai hésité. Ouais, ouais. Mais il mange tous les fils. Ah. Bon, eh bien, merci beaucoup, Alain, d'être... C'est un plaisir. Donc, voilà, la seule librairie qui peut vous le vendre actuellement, c'est Lire et Écrire avant Mirmont. Et puis, c'est aussi Leclerc qui a eu la gentillesse de me le prendre. Alors, oui. Vous voyez, je ne sais pas trop comment on dit, King Collect, c'est pas... voilà. Click and Collect. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Mais pour l'instant, c'est possible quand même là, de l'acheter à Leclerc. On le commande sur Internet, voilà, il nous le donne. Voilà, c'est ça, oui. Et puis, les maisons de presse. Oui. Voilà, la Madeleine, là, vous savez, là, boulevard de la Madeleine. Oui. Le petit, bah, ils m'en ont vendu 10 en 4 jours. Ah oui. Bah ouais, c'est génial. Bah carrément. Je veux pouvoir payer à nouveau ma maison. Non mais c'est vrai. C'est vrai que... on est tous en danger. Mais oui. Tous en danger. Ça remet en... Ça fait peur de dire est-ce que je vais pouvoir payer ça, est-ce que je vais pas pouvoir payer ça. L'insécurité. Non, les deux dernières années j'étais guéri et puis je commençais à me faire connaître et à vivre correctement de mes livres. Mais là, voilà, ça fait peur. Vous vous rendez compte, tous les gens qui vivent en micro-entreprise, ils n'ont pas d'aide de l'État, ils n'ont rien, quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Bah, voilà, donc c'est un petit... Moi, ça me fait peur, la pauvreté. J'ai toujours peur de la précarité, parce que n'importe qui peut se retrouver dans la rue. Et ça, c'est vraiment terrible, franchement. Oui, c'est vrai. C'est vraiment terrible. Et notre monde, il est si beau et il faut qu'on le rende beau. Notre région, c'est la plus belle du monde. Ah oui, ça c'est vrai. Hein? Ça, c'est vrai. Les Vosgiens sont des êtres exceptionnels et généreux, sympathiques. Il faut les connaître. C'est vrai. Pour les messieurs, pendant une minute, ils peuvent paraître un peu bourrus. Oui. Et puis après, on n'arrive pas à s'en décoller. Et puis les dames commerçantes, elles sont toutes tellement serviables et gentilles. Que, voilà. Moi, je suis contente d'être Vosgien, je le revendique. Et voilà, je mourrai dans les Vosges. Mais j'ai encore pas mal, j'ai au moins 30 ans d'écriture. Ah bah oui. Hein, il y a le temps encore. On embrasse tous les Vosgiens et tous les autres qui nous écoutent d'ailleurs aujourd'hui. On vous fait tous des gros bisous, on vous envoie plein de joie, plein de bonheur ces périodes. Et puis profitez de votre nature qui vous entoure. C'est vrai. Je sais que vous, même une pierre, une grosse pierre, vous demandez-vous pourquoi elle est là. C'est vrai. Vous ne pouvez pas savoir. Un cri d'un brame en ce moment. Il y a beaucoup de cris d'oiseaux aussi. C'était très agréable quand j'étais me promener. C'est vrai que c'est sympathique. Moi, en ce moment, je ramasse les marrons, je les jette et puis c'est Ruben qui court après. C'est chouette, ça. Non. Et puis, sincèrement, il y a plein d'animaux abandonnés. On a peur au début. Quand il est arrivé, je me suis dit, non, je ne suis plus capable de rendre un animal en quatre pattes. Moi, c'est vraiment... Animal... On est dans une société tellement cruelle qu'il y a pour moi des humains qui sont des animaux. Oui. Et il y a des quatre pattes qui sont plus que des animaux. Et je vous jure qu'ils apportent énormément de bonheur. Ah oui, ça c'est sûr. Et j'ai beaucoup de lectrices qui ont des chats, des chiens. Elles vivent seules, elles ont eu des épreuves. Et elles tiennent le coup parce que... Et souvent elles sont critiquées parce que même les enfants disent « Ouais, il y a que ton chat qui compte ». Et ben elle dit, bah oui, mais mon chat, il est là tous les jours. Voilà. Oui, et puis à chaque réaction, une histoire derrière quand même. Il ne faut pas faire de raccourcis. Non, il faut profiter du beau. C'est dommage, ce Covid, il faut qu'il... C'est de la science-fiction, jamais on aurait pensé à ça. Quoi. Ça, même dans vrai. Un de mes livres, j'aurais jamais osé imaginer ça. Oui. Il y a vraiment des gens qui meurent. Moi, j'ai fréquenté les hôpitaux un certain temps. Le personnel est débordé. Et c'est des gens remarquables. Les infirmières, c'est des gens, des personnes remarquables. Oui. Et voilà, il faut prendre des précautions. Moi, je mets même des gants, vous voyez. Ah des oui. gants quand je sors et masque. Et je pense que je suis passé à travers. Voilà, il faut respecter les autres. Mais il faut qu'on ressorte. Oui. Il faut arrêter ça. C'est vrai. Il faut Parce qu'on que se socialement retrouve. Et psychologiquement, c'est très, très difficile. On ne parle pas des dépressions et des suicides en ce moment. Oui. Donc, les livres, si je peux amener par mes livres, justement, Eh ben, je sais pas, un petit voyage ailleurs. Mais alors, on me dit, j'écris plus assez vite, mais je parce que je mange votre livre en 3 jours. Alors, je peux pas faire mieux, quoi. Ah bah, c'est sûr. Une petite bulle de bonheur. C'est vraiment du travail écrire un livre. C'est vrai. Ça, il faut vraiment se le dire. Mais là, ce livre-là, mais je l'ai écrit comme ça parce que je savais pas ce que j'allais écrire. J'ai dit, bon, non, les servantes du Saint-Amand, je recule. Et puis j'ai pris un bout de papier, puis j'ai commencé violemment le livre. Et on comprend, mes amis qui me téléphonent, tout ça. Quand j'écris, il ne faut pas me déranger parce que je suis le personnage là, je suis le personnage là. Je mange comme lui, je m'habille comme lui, je pense. C'est terrible, hein, c'est de la schizophrénie. Hein. Ah oui. Ah oui, oui. On me fait mes courses, je ne sors pas pendant 4 mois. Hein. Oh là là. Pas pour sortir que les animaux. Oui, oui. Mais on est totalement dedans. Et quand j'ai vu que j'avais écrit 2400 pages, je me suis dit, mais les tenants, les aboutissants, mais j'ai dû perdre. Il ne faut pas se perdre. Ah oui, on ne peut pas l'écrire sur 20 ans parce qu'on se perd. C'est vraiment 4 mois d'immersion. Et là, je sais que janvier, février, mars, eh ben, même vous, vous aurez beau m'appeler, vous savez que je réponds tout le temps quand c'est vous. Eh ben non, je ne répondrai pas, Lia. Je suis au courant, moi, je ne m'inquiéterai pas. C'est que tout va bien, si vous êtes en pleine écriture. Non, je vous demande simplement de visionner ma page Facebook, voir comment j'écris, comment je vis. Et puis, il y a un petit site donc, de l'ambiance que j'amène. Oui. Et puis, c'est gentil de m'avoir invité pour le partager. Mais c'est toujours un grand plaisir. Alors, il y a des gens qui me découvrent et ils m'achètent d'un seul coup tous mes livres d'un coup. Ah oui. Ouais. Frais de port gratuits. Tant mieux. C'est génial. Bah oui, ouais. C'est super. J'étais bavard. Hein. Ah, mais c'est parfait. C'est parfait. Et je dis que je suis introverti. C'est vrai. On vous souhaite quoi, Alain Santo, pour la suite ? Moi, ce que je veux, c'est mon plus. Moi, je suis heureux. J'ai, comme tout le monde, eu des moments très difficiles. Je suis heureux et je veux partager mon bonheur. Je suis heureux parce que j'ai une nouvelle famille. Elle compte beaucoup pour moi, c'est mes lecteurs. Et c'est sincère. Oui. C'est ma survie. Si je n'avais pas mes lecteurs qui me disent tout ça, je ne sais pas comment je vivrais. Maintenant, j'ai passé mes deuils. Donc, j'ai de nouveau mon Ruben. J'ai toujours mon cheval. J'écris dans mon vieux mobilhome en pleine forêt. Donc moi, ça va, tout va bien. Je veux que tout aille bien pour tout le monde et je veux plus de ce confinement. Voilà. Oui. Respecter les règles de sécurité, mais on arrête le confinement. Est-ce que c'est pas bien ce que je dis ? Ah bah si, c'est bien ça. Sûr que si. Il faut qu'on arrive à gérer. Quand j'entends 300 personnes qui font la fête, ça me laisse perplexe. Quoi. C'est vrai. Parce qu'il y a des jeunes qui sont... Moi, sincèrement, je trouve ça... Il faut vraiment qu'on ressorte, qu'on ait une vie sociale normale. Moi, je veux aller au Parmont, à la fête du Parmont. Je veux faire Fantastica. Je n'ai pas fait les Imaginales. Je veux revoir tout le monde, quoi. Mmh. Voilà, c'est ça. Je pense que tout le monde devrait souhaiter ça. Qu'on se revoie, qu'on ressorte tous ensemble. Qu'on ne fasse pas de bêtises et qu'on se protège. Voilà, c'est surtout ça. Puis acheter mes livres. C'est ça. Eh bien oui, on souhaite tout ça nous aussi. En tout cas, merci beaucoup Alain d'être... Merci Lia, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir partagé, on vous embrasse. J'ai toujours peur devant le micro, puis vous voyez, ça glisse tout seul. Mais oui, ça se passe très très bien. À bientôt. À bientôt.